Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire unique en son genre, l'opération Air Détresse. Au printemps 1957, l'aventurier Claude Chapeau et le journaliste de la RTF Philippe Réal prennent la tête d'une expédition française de recherche scientifique en tout point inédite. Faux rescapés d'une fausse catastrophe aérienne, les hommes et leur équipe constituée de 7 volontaires vont tenter de survivre le plus longtemps possible en pleine brousse africaine dans l'une des régions les plus isolées de la planète. Leur objectif ? Étudier les conséquences d'une telle épreuve sur le corps humain. Réalisé avec le soutien de l'armée de l'air et avec le concours du ministère de la France d'Outre-mer et de l'Éducation nationale, l'opération Air Détresse va tenir en haleine jour après jour les auditeurs de France Inter parce que ces naufragés, les seuls au monde peut-être à avoir prémédité leur naufrage, ont pris le soin d'embarquer un poste émetteur, leur permettant ainsi de raconter leur péripétie en plein cœur de l'Afrique noire, tous les jours à midi, sur l'antenne que vous écoutez en ce moment. Notre invité aujourd'hui, Yves Sautreau, l'un des deux médecins de l'expédition, et par téléphone, le journaliste de la RTF, Philippe Réal, chef en second de l'opération. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Paris, mardi 19 février 1957. Dans le très chic 16e arrondissement de Paris, derrière les épais vitrages des salons du non moins chic Aéroclub de France, l'ambiance est à la fête. Verre à la main, des invités bavardent, d'autres tentent de se frayer un chemin au bar, habituel parcours du combattant, bref, dans une ambiance pince-fesse de bon aloi, on fait salon, on fait cocktail. Parmi les invités, plusieurs responsables politiques de premier plan. Il y a là le président du conseil, Gaston Monnerville, des parlementaires de tous bords et des conseillers techniques en tout genre. Et si ce beau monde s'est donné rendez-vous ce soir à deux pas des Champs-Élysées, c'est pour saluer le départ de l'expédition scientifique Air Détresse. Entouré de journalistes et de photographes, le chef de la mission, Claude Chapeau, savoure. À 32 ans, cet homme, avocat et aventurier, ce qui n'est pas incompatible à preuve, est à l'origine de toute cette aventure. Un an plus tôt, avec quelques compagnons, il avait déjà tenté d'endosser le costume d'homme des cavernes et de vivre en autarcie dans l'Écosse, côté Lot. Ces péripéties avaient duré 14 jours avant que la fin n'ait raison de nos aventuriers un peu barrés. C'est pour ça qu'on les aime. Avec Air Détresse, Claude Chapeau veut aller plus loin et monter une opération de survie, une vraie celle-là, avec tout ce que cela implique en plein cœur du continent africain, comme l'explique l'un des membres de l'expédition, le journaliste Jacques Vigneux. Nous nous sommes réunis à quelques camarades pour essayer de prouver qu'il était possible de vivre dans la brousse strictement avec les moyens du bord, c'est-à-dire des trousses de survie embarquées dans les avions qui ont été préparées à l'avance évidemment, et également de prouver que quel était le meilleur moyen de survivre, si c'était en se basant sur des rations préparées ou en vivant sur la chasse et la pêche et les végétaux qu'on pouvait cueillir dans la région. Tout cela en supposant que vous vous êtes perdu dans la brousse après un naufrage. Oui, alors c'est nous supposons qu'un avion s'est perdu dans la brousse, oui. Qu'il a atterri, il a fait un atterrissage forcé dans des conditions possibles, c'est-à-dire sans incendie, et qu'en récupérant ce qui pouvait être récupéré sur l'avion, les personnes ont pu survivre. Afin de rendre le scénario d'Air Détresse crédible, Claude Chapeau a décidé d'emmener avec lui 8 personnes d'âge et de sexe différents, des gens qui ne se connaissent pas. Parmi eux, 2 médecins, un biologiste, une infirmière et une laborantine. Ils auront pour mission de tester et d'analyser quotidiennement l'état psychologique et les constantes physiologiques de chacun des protagonistes de l'aventure. Les données ainsi collectées serviront à estimer combien de temps une population d'individus peut subsister par elle-même suite à son isolement. Je reprends les termes du communiqué. Enfin, pour permettre au grand public d'en suivre les péripéties, l'équipe compte un directeur technique, un technicien radio, un photographe et un journaliste, Philippe Réal. Thank you. ce début de l'année 1957, les expériences de survie sont très prisées du public. Partout dans le monde, des groupes d'individus partent affronter les conditions extrêmes. Que ce soit la température au niveau des pôles, la très haute altitude sur les montagnes himalayennes ou andines, ou encore l'isolement sur des îlots de l'océan Pacifique, des trucs de mazo, mais toujours pour la bonne cause. Pour l'anecdote, tiens, c'est un Français, Alain Bombard, qui est l'un des pionniers de ce genre d'expérience. 5 ans plus tôt, en 1952, il a embarqué seul à bord d'un petit canot pneumatique équipé d'une voile, sans eau ni nourriture, et il a réussi à traverser l'Atlantique. Grâce à lui, on peut le dire, les conditions de survie en mer ont connu une véritable révolution. Dans le cas de l'opération Air Détresse, l'aspect scientifique est là aussi primordial. Que se passerait-il en effet, explique Claude Chapeau, si un avion commercial, victime d'une panne mécanique, venait à s'écraser dans une région éloignée et que ses passagers ne pouvaient être secourus dans l'immédiat? Pourrait-il survivre? Interrogé sur le principal obstacle de la survie en territoire hostile, un expert des safaris affirme ici que l'un des enjeux sera psychologique. Ce qui est le plus néfaste à un homme perdu en brousse, par exemple, puisque nous parlons de la brousse, c'est la question morale. Lorsqu'un homme se sent isolé et perdu, très rapidement, il se démoralise et à partir de ce moment-là, il est complètement perdu. Tant que le moral tient, tant que l'homme a confiance parce qu'on lui aura permis d'apprendre certaines choses sur la brousse, c'est ce que je vais tâcher de faire avec les parachutistes, tant qu'il a confiance, il peut tenir terriblement longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on ne pense. Il est perdu le jour où il commence à avoir peur et à se dire « je suis perdu ». Vendredi 1er mars 1957, aéroport du Bourget, banlieue nord de Paris. À quelques dizaines de mètres du terminal, on distingue la carlingue oblongue d'un avion de transport militaire Nord Atlas aux couleurs de l'armée de l'air. Dans ses soutes, le matériel de l'opération Air Détresse. Dans un froid glacial, Claude Chapeau et Philippe Réal procèdent à un ultime inventaire. La liste du matériel témoigne à elle seule de l'importance de la mission. On recense un conteneur étanche prêté par Air France, où l'on a placé des trousses spéciales de survie, du matériel pour la pêche et des fusées de détresse. Un autre conteneur abrite du matériel scientifique prêté par le ministère des Travaux Publics. Il y a également plusieurs caisses avec des caméras, appareils photo, pellicules, et dans l'une d'elles, un émetteur de la radio-télévision française avec son groupe électrogène. À cela s'ajoutent des mâles métalliques remplis de matériel de chasse au cas où on serait attaqué par des sauvages ou des bestioles un peu cheloues. Couteaux, poignards de commando, 2 fusils de guerre dont un muni d'une lunette télescopique, 3 caisses de rations pour la survie et l'ensemble du matériel médical, centrifugeuse, microscope, trousse de chirurgie, c'est bien connu, on ne part pas les mains vides quand on monte dans un avion qui va se cracher. Dans le reportage télévisé que consacrait la RTF au départ de l'expédition, le caméraman filme en gros plan les visages souriants des 9 individus, 7 hommes et 2 femmes, qui s'apprêtent à partir. Aux côtés de Claude Chapeau, de Jacques Vigneux et de Philippe Réal, on découvre ainsi les docteurs Jean Petit et Yves Sautreau, le biologiste René Joyon, l'infirmière Lide Fondère et la laborantine Catherine Nunes. Côté technique, il y a le photographe René Obiorn, l'ingénieur du son René Tamagne et un dernier personnage un peu mystérieux, un chasseur amateur du nom d'Henri Coty. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Les membres de l'opération Air Détresse sont priés de se rendre sur l'aire de départ. Embarquement immédiat pour le vol spécial à destination de Batouri au Cameroun avec escale à Alger, Niamey, Douala et Yaoundé. Claude Chapeau et ses compagnons montent à bord. Cette fois, ça y est, l'opération est lancée. Lundi 4 mars 1957, aérodrome militaire Batouri, région est du Cameroun. Après plus de 3 jours d'un voyage éprouvant, l'avion transportant les membres de l'expédition Air Détresse et son matériel se pose en milieu de matinée sur la piste en latérite rouge. Pour Claude Chapeau, Philippe Réal et le reste de l'équipe, le premier contact avec l'extérieur est brutal. Nous sommes ici presque au niveau de l'équateur et en cette saison, la chaleur et l'humidité sont suffocantes. Sur place, on charge caisses et conteneurs dans des véhicules de l'administration coloniale. Les neuf Français, eux, ont à peine le temps de se dégourdir les jambes qu'ils doivent se rasseoir à l'arrière des camions. Plus de 4 heures sont nécessaires au convoi pour parcourir les 55 km de piste et rejoindre la zone désertique choisie pour lieu de l'expérimentation. En chemin, l'Afrique, continent à la végétation luxuriante et à la population déshéritée, offre aux Français un spectacle saisissant. Lorsqu'ils arrivent enfin à proximité du fleuve Kadéil, les camions s'arrêtent. Les hommes de l'administration coloniale déchargent le matériel et abandonnent Chapeau Royal et leurs compagnons au milieu de la savane, comme prévu. Chacun des membres de l'expédition se met alors au travail pour installer le campement. Sur l'un des thermomètres, René Joyon constate qu'il fait déjà plus de 40 degrés. À la jumelle, le photographe René Aubirne, lui, scrute l'horizon pour apercevoir des animaux, mais rien. En revanche, il distingue une mince ligne noire qui s'élève dans le ciel. Bon, le photographe n'y prête pas davantage attention, mais il ne réalise pas qu'elle est synonyme d'un grave danger, cette ligne noire. Une demi-heure plus tard, en effet, le soleil disparaît brusquement. Des courants d'air chaud d'une violence inouïe raclent le sol. René Joyon aperçoit alors un immense tourbillon de poussière rouge et il hurle « Tornade !» Trop tard, une pluie de grêlons et un vent violent s'abattent sur le campement. Les membres de l'expédition courent se réfugier sous un bosquet, la tempête fait rage. Lorsqu'elle cesse enfin, les Français découvrent leur campement ravagé. Les trois quarts de leur matériel ont été éparpillés et surtout la quasi-totalité des flacons de prélèvement indispensables à l'expérience a disparu. Après plusieurs heures de recherche, les pieds dans la boue, il faut parer au plus pressé et construire des abris pour la nuit. René Wilne découvre, non loin de là, les vestiges d'une cabane d'indigènes. Les hommes la consolident avec quelques branches, des morceaux de ficelle et une bâche en guise de toit. Voilà, ça fera l'affaire. Au même moment, Jacques Vigneux et René Tamagne sont hyper concentrés. Ils règlent le poste émetteur radio. Et oui, parce que sans faire savoir, personne ne peut mesurer leur savoir-faire. Par chance, l'appareil n'avait pas été déballé et il n'a pas souffert de la tempête. Ainsi les heures passent et la réception du signal est mauvaise. Les essais ne donnent rien. Lorsqu'enfin Vigneux réussit à entrer en contact avec Brazzaville au Congo, puis avec Paris. Allô Jacques Vigneux ? Oui, ici Jacques Vigneux qui vous parle de la station mobile de la RTF auprès de l'expédition R-Détresse au Cameroun. Jacques Vigneux, est-ce que vous savez à quel endroit vous êtes exactement en détresse ? Oui, eh bien écoutez, nous avons fait à peu près le point. Nous sommes dans un petit village qui comprend trois cases qui s'appellent Poza et Oupi. Les cases sont habitées ? Pardon ? Les cases sont-elles habitées ? Oui, elles sont habitées par des populations très pauvres. Vous avez pu vous ravitailler déjà auprès d'elle ? Eh bien écoutez, non, pas du tout, parce que il y a deux équipes, une équipe qui vit sur des rations et une équipe qui vit de sa chasse et de sa pêche. Nous sommes dans la savane, c'est une savane assez dégagée, quelques petits arbustes, mais surtout de grandes herbes. Vers 18h, la nuit noire tombe sur le campement. Harassé, chacun s'allonge sur les matelas et tente de trouver le sommeil. Avant leur départ de Paris, des spécialistes de la faune sauvage ont mis en garde Claude Chapeau sur les dangers de la vie en brousse. La nuit, en effet, de nombreux prédateurs sortent pour boire et chasser. Il faut redoubler de prudence. Malgré leur avancée dans la nuit, il fait encore plus de 25 degrés. Difficile de s'endormir. D'autant que, de la forêt qui borde le campement, parvient d'étranges murmures et même des grondements. Claude Chapeau scrute les environs. Et là, à 50 cm du sol, il aperçoit deux lueurs qui s'agitent. Le chef de l'expédition pense tout de suite aux yeux d'une panthère. Il n'a pas le temps de réagir que déjà, à sa droite, René Joyon se saisit du fusil de chasse. À pas de loup, le biologiste s'avance vers les points lumineux, le doigt sur la détente. À mesure qu'il se rapproche, les deux points reculent, puis soudain, reviennent pour se dresser à plus d'un mètre du sol. Joyon les met en joue. Et c'est l'éclat de rire. Ces étranges lueurs bleutées n'étaient que deux papillons phosphorescents. Penauds mais rassurés, les hommes retournent s'allonger. « Le lendemain matin, mardi 5 mars, dès les premières heures de l'aube, un soleil radieux illumine des centaines de kilomètres carrés de terres arides, plaines et collines des environs. Le sol, détrempé la veille par la tornade, a séché pour redevenir un tapis craquelé. Aujourd'hui marque le premier jour effectif de l'opération Air Détresse, et déjà, notent les docteurs Petit et Sautreau, les corps et les esprits semblent éprouvés par le changement de climat et la perte des repères. Après avoir renforcé la structure des cabanes, on tend de grandes bâches à l'aide de cordes et de morceaux de bois pour disposer le matériel médical en dessous et permettre de s'abriter du soleil. Autre impératif, trouver de l'eau. Les deux médecins du groupe sont unanimes. Avant même de se préoccuper de la nourriture, les neuf naufragés doivent boire beaucoup pour permettre à leur organisme de résister à la chaleur caniculaire. Ainsi, pendant que Lydie Fonder, Catherine Nunes et Henri Joyon déballent les instruments médicaux, Claude Chapeau, accompagné de Philippe Réal, part installer une pompe filtrante sur la rive du fleuve Cadeille, située à quelques centaines de mètres de là. Une heure plus tard, à leur retour au camp, ils ont le visage inquiet. Toute l'équipe s'est réunie autour de Jacques Vigneux. Le directeur technique d'Air Détresse s'est allongé sur son matelas, victime d'une crise de tremblement que ni les couvertures ni l'intense chaleur extérieure ne semblent pouvoir dissiper. Quelques heures plus tard, le docteur Petit confirme sur le canal radio son diagnostic, mais il se montre rassurant. Allô, docteur Petit ? Allô, oui. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Pas de malade chez vous ? Non, pour le moment, à peu près aucun cas grave. On peut toutefois signaler, malgré tout, une crise de paludisme. Déjà ? Oui, malgré tout, dont notre ami Vigneux a été la victime, mais après un traitement énergique, il a pu reprendre son travail. Mais comment pouvez-vous le soigner ? Vous aviez des médicaments à bord ? Ah, nous avions quand même, dans la trousse de survie, quelques médicaments indispensables pour des gens qui survolent la brousse en avion. C'est donc une première expérience avec la trousse de survie. C'est notre première expérience avec la trousse de survie qui, ma foi, a pleinement réussi, prouvant ainsi son utilité incontestable. Mercredi 6 mars. Après une deuxième nuit dans la brousse, la faim est au cœur de toutes les conversations. Voilà 24 heures, en effet, qu'une partie du groupe n'a pas mangé. Claude Chapeau décide d'emmener les hommes au fleuve avec le matériel de pêche. Et très vite sa mort. Le chef de mission remonte un poisson caillot-foreau de presque 5 kilos. Grillé au feu, voilà un hors-d'œuvre de choix. Ce jour-là, les rationnés jettent des regards envieux à leurs compagnons non rationnés. La monotonie des repas de survie, note le docteur Petit, joue déjà sur le moral de certains. Claude Chapeau, lui, profite d'une liaison radio avec Paris pour expliquer les conditions dangereuses dans lesquelles lui et ses camarades ont dû pratiquer la pêche. Allô ? Ici Claude Chapeau, chef de l'expédition Air Détresse. Et moi, je m'occupe spécialement de la pêche et de la chasse avec mon ami Coty. Et la pêche est une chose excessivement dangereuse parce que nous pêchons dans l'eau. Et Coty est avec son fusil, il a un fusil de guerre, n'est-ce pas, qu'on lui a prêté. Et il éloigne les caïmans qui viennent grouiller autour de nous. C'est pas très drôle. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, je disais que la pêche était très dangereuse parce que les caïmans viennent rôder autour de nous. Nous pêchons dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, n'est-ce pas ? C'est ça. Alors il faut constamment les éloigner. Et il faut constamment les éloigner. Vous en avez tué ? Bien, nous n'avons pas... Coty a tiré sur un caïman, mais il n'a pas réussi à l'avoir. Il a plongé dans l'eau du fleuve, n'est-ce pas, entouré de sang. Et il faut attendre 2 jours pour qu'il remonte à la surface. Le festin terminé, le groupe fait une sieste à l'ombre. Les températures flirtent avec les 50 degrés. À cela s'ajoute une humidité qui frôle les 95%. En milieu d'après-midi, Coty et Auburn reviennent de leur partie de chasse bredouille. Épuisés, ils ont parcouru plus de 20 km à la poursuite d'une antilope, mais sans jamais réussir à se rapprocher assez d'elle pour tirer. À 18h, l'obscurité gagne la brousse. Une nouvelle nuit commence. Elle s'annonce agitée. Vers 22h, en effet, un faisceau lumineux balaye le campement de l'expédition. C'est Lydie Fonder, l'infirmière. La jeune femme est debout, lampe de poche à la main, inquiète. Depuis une demi-heure, un bruit sourd résonne en provenance du fleuve. Claude Chapeau part en reconnaissance. Sur place, à première vue, il n'y a rien. Et lorsque le vent chasse les nuages, Claude Chapeau aperçoit dans l'eau d'énormes masses brunes qui s'agitent, provoquant à chaque fois des tourbillons et des gerbes d'écume hautes de plusieurs mètres. Face à lui, un troupeau d'hippopotames se croit à Quoi Boulevard. Le lendemain matin, jeudi 7 mars, troisième jour d'expérience. La nuit a fait oublier la faim, mais le petit déjeuner composé de quelques racines de manioc ramassées autour du camp n'offre qu'un maigre répit aux estomacs des non-rationnés. Pendant que les docteurs Petit et Sautreau se livrent à l'examen quotidien des membres de l'expédition, on prépare le programme de la journée. Partie de pêche et partie de chasse. Journée prolifique. Vers midi, Chapeau rapporte 7 poissons. Quant à Coty, il revient de la chasse avec une mine triomphante. Allô le chasseur à l'appareil. Qu'avez-vous tué déjà? Bien, jusqu'à présent, nous avons fait une petite expédition de 3 heures de marche et nous avons réussi à tuer 2 pintades, 2 piquebeux et 1 pigeon. Et comment les avez-vous mangés? Vous avez su les plumer? Nous les avons fait cuire sur un feu de bois car nous sommes, nous, à 1 km de la station. Nous avons fait une expédition hier de 6h30 de marche où nous avons dépisté des gazelles et nous repartons avec le camarade Réal de la télévision pour essayer de les repister cette nuit et demain matin afin d'avoir au moins 4 jours de nourriture d'avance. Mais vous n'aviez jamais pisté de gazelle, je suppose? Non, mais c'est exactement comme des chevreuils, ça se pisse au pied. Vendredi 8 mars, quatrième jour. Après avoir titillé la pintade et plumé le pigeon, aujourd'hui c'est visite médicale. Et elle apporte son premier lot de mauvaises nouvelles. Chez tous les membres de l'expédition, la tension est basse. On note aussi une perte de poids significative et enfin une mauvaise récupération au test d'effort. Les docteurs Petit et Sautreau, eux-mêmes affectés par les conditions de vie difficiles, en concluent que les organismes commencent à montrer de premiers signes physiques de défaillance. Et la faim occupe toujours tous les esprits. Au beau milieu de la journée, un visiteur inattendu se présente au campement. Claude Chapeau décrit la scène dans son journal de bord comme ceci. Sorti de nulle part, un homme à la peau noire, taillé comme un Hercule et armé d'une lance, s'est présenté à nous. Il était tout nu et son attitude laissait présager qu'il ne devait pas beaucoup fréquenter la civilisation. Dans un langage incompréhensible et une série de gestes un peu anarchiques, l'individu tente d'expliquer que l'un des membres de sa tribu s'est blessé. Alors, sans hésiter une seconde, les docteurs Petit et Sautreau préparent une trousse médicale et se mettent en route. À mesure qu'ils s'éloignent, leurs silhouettes disparaissent dans les hautes herbes. Mais lorsque vers 18h, la nuit tombe sur la brousse, les deux médecins de l'expédition ne sont toujours pas revenus. Alors au camp, l'inquiétude grandit. Et si quelque chose leur était arrivé? Et si le docteur Petit et le docteur Sautreau étaient tombés dans un piège? Et si on les retrouvait scalpés, voire mangés tout crus ou cuits? Ce qui est pire pour celui qui sert le festin. Yeah. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Allô, allô, j'appelle Jacques Vigneux à la station mobile du Nord Cameroun. Allô, Jacques Vigneux. Allô, ici Jacques Vigneux, RTF, station mobile, auprès de l'expédition survie Air Détresse au Cameroun. Bonjour Vigneux. Bonjour Hutin. Alors, vous êtes à quel jour de votre expérience? Ça fait exactement maintenant 11 jours que nous sommes sur le terrain. On peut compter sur quelques résultats valables? Eh bien, écoutez, je pense que les résultats biologiques seront valables. En tous les cas, au point de vue résistance des individus, je vais vous passer le docteur Sautreau qui va vous dire quelques mots sur l'état général de notre petite colonie. Bien. Allô. Allô, bonjour docteur. Bonjour monsieur. Eh bien, aujourd'hui, nous avons pris les tensions à peu près de tout le monde. Elles sont assez basses, les maxima sont à 9, vous voyez que c'est très faible. Les gens sont fatigués. Mais enfin, pour la perte de poids, on a l'impression d'une stabilité pour l'instant. Les gens mangent peut-être moins, mais ils boivent beaucoup plus, alors on maigrit peut-être un peu moins. Mais enfin, quand même, il y a eu des pertes de poids de 10 kilos. Vendredi 15 mars 1957, région désertique du Nord Cameroun. Dans le camp d'opération Air Détresse, l'épuisement lié au manque de nourriture et à la chaleur de Zébu se lit sur les visages de chacun des 9 naufragés. Le moral, lui, tente de se maintenir, malgré tout, tant on sait qu'il est vital pour survivre. Quelques jours plus tôt, l'équipe avait une situation rocambolesque. Lorsque les 2 médecins étaient partis pour accompagner un jeune indigène à son village et n'avaient plus donné aucun signe de vie, souvenez-vous. Ce n'est que très tard dans la soirée que le docteur Petit et le docteur Sautreau, dont vous venez d'entendre la voix, avaient fini par rejoindre leurs camarades et dissiper leur inquiétude. Non, ils n'ont pas été mangés par les cannibales. La preuve. La vérité, c'est qu'au terme d'un périple d'une trentaine de kilomètres, les 2 médecins ont juste soigné un jeune chasseur qui s'était entaillé le pied avec sa sagaie. Aussi, qu'elle ne fut pas la surprise de tous, lorsque le lendemain matin, le chef de la tribu s'est déplacé en personne jusqu'au camp d'Air Détresse pour remercier tout le monde, offrant l'une de ses plus belles chèvres. Claude Chapeau, le chef de l'expédition, avait dû faire preuve de beaucoup de courage pour ne pas céder à la tentation. Et il a poliment refusé le cadeau pour ne pas enfreindre les règles du protocole de la mission. Mazo, vous dis-je. Sur le camp, au fil des jours, un rythme de vie monotone s'installe. Certains tentent de s'occuper comme ils peuvent. Les parties de chasse et les parties de pêche se transforment en exutoires, qui sert davantage à oublier la faim. De son côté, Philippe Réal, chef en second de l'expédition, en profite pour sortir sa caméra et faire des plans de la vie dans la brousse. Sur l'une de ces bobines, on voit l'installation de fortune qui sert de centre médical aux 2 médecins, au biologiste René Joyon, à l'infirmière Lydie Fondère et à la laborantine Catherine Lunès. Chacun s'acquitte de sa tâche avec le plus grand sérieux, car ne l'oublions pas, Air Détresse, c'est avant tout une opération de recherche scientifique. Quelques heures plus tard, lors de la liaison radio avec Paris, cette même Catherine Lunès témoigne des conditions de travail du groupe. Vous aussi, vous n'avez jamais travaillé dans de pareilles conditions, n'est-ce pas? Ah non, ça, absolument pas. Oui. Quels sont les plus gros problèmes que vous rencontrez, du point de vue féminin, j'entends? Est-ce que votre organisme résiste aussi bien que les organismes masculins? Je crois que oui, justement. C'est à signaler, nous tenons assez bien le coup. Ah voilà, la femme première partout, alors. Nous sommes un peu... Décidément, même en survie. Nous sommes un peu fatigués, mais enfin, je crois que nous tiendrons le coup jusqu'au bout. En tout cas, il me semble que vous avez un bon moral aussi, mademoiselle. Bah, on essaye. Et je vous en félicite. Merci. Avec le poids de la fatigue, de la faim qui donne par instant des étourdissements, et avec cette chaleur extrême, une erreur est vite arrivée. Première victime, Claude Chapeau. Alors qu'il se rend à la pêche, le chef de l'opération d'Air Détresse fait un faux pas et tombe dans un trou de vase liquide. À la manière de sable mouvant, son corps est aspiré. Il faut alors toute la dextérité de ses camarades pour le tirer de ses très mauvais pas. Chapeau en est quitte pour une belle frayeur. Et désormais, il y regardera 2 fois avant de poser le pied. Mais les péripéties de nos aventuriers ne s'arrêtent pas là. Lancé dans une traque à la gazelle, à quelques kilomètres du camp, Henri Cotive, Sautreau et Jean Petit vont aussi vivre un épisode mouvementé. Chasseur peu expérimenté, il tente de s'approcher d'un buffle qui boit en bordure de marécage sans se douter que l'animal a déjà senti leur odeur grâce au vent. Sans crier gare, le buffle s'enfuit de l'autre côté. Le trio de chasseurs traverse à son tour. Mais une fois ressorti de la boue, l'animal rusé surgit d'un feuillage à quelques mètres de Cotis Sautreau et Maurice Petit. Sa masse noire et imposante, sa paire de cornes pointées dans leur direction n'annoncent rien de bon. Le chasseur devient proie. Coty crie à ses compagnons de se réfugier dans les arbres à leur portée. Les trois hommes abandonnent leur matériel et grimpent aux branches. Il s'en est fallu peu. Pas très fier, en tout cas, Coty. Interrogé par Maurice Hutin de Paris Inter, il préfère botter en touche. Allô ? Allô ? Allô, Coty ? Oui, lui-même. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, je crois que vous avez eu une période de chasse heureuse ces derniers temps. On a eu une période de chasse assez heureuse, oui. On a tué un petit facochère, un petit marcassin de facochère, et on a tué avant-hier six pintades, des pigeons. Oui. Ça nous a quand même un peu remonté. Oui, ça, cela, je le savais. Nous en avons parlé ces derniers temps. Oui, mais ça. Alors, le chiffre que me donne Vigneux est tout de même extraordinaire, parce que je trouve que la chasse est maigre si on la considère par rapport à ce chiffre. Ah oui, d'accord. Mais enfin, c'était se mettre dans la position de quelqu'un qui ferait des marches en même temps pour se rapprocher d'un point déterminé. Oui, mais alors, dans quelles conditions physiques aussi? Ah ben, c'est assez fatigant. Surtout hier matin, j'avais oublié ma gourde et on a fait 32 km dans la journée avec Réal de la télévision. Et nous sommes arrivés en mauvais état. Oui. On a vu les traces d'hippopotames et nous avons guetté un caïman pendant près d'une heure et demie. Mais malheureusement, il ne s'est pas remontré. Ils sont tous un peu sorciers, les animaux, ici, vous savez. Oui. Dimanche 13 mars, 13e jour. Notre petite expédition part explorer la forêt avoisinante à la recherche de gibier. La végétation est dense. Il faut faire attention, car ce genre d'endroit regorge de serpents et d'insectes. Pas très sympa, enfin, à première vue. Entre les épais troncs d'arbres, les longues lianes descendent en spirale, puis disparaissent, absorbées par un épais tapis de broussailles et de fougères. Coty ouvre la marche, son fusil à la main. La colonne passe à côté de nuages d'insectes bourdonnants. C'est alors que Coty repère au sol des traces de pas qui ressemblent à des pieds humains. Elles conduisent sur près d'un kilomètre à un étrange campement. Et là, surprise, il s'agit de villages de pygmées. Discrets et nomades, ces hommes et femmes, dont la taille ne dépasse pas 1m30, sont très rares à observer. Alors, petit à petit, si j'ose dire, l'équipe reprend confiance. Pas de danger, seulement la curiosité de découvrir un peuple. Philippe Réal filme l'instant magique, il l'immortalise. 4 jours plus tard, vendredi 22 mars, sur le camp d'Air Détresse, le moindre effort accable les organismes. La rareté des vivres devient alarmante. Tout le monde est affecté, tant sur le plan physique que moral. La visite médicale du matin ne laisse planer aucun doute. Les corps ont atteint leurs limites. Les deux médecins sont eux-mêmes à bout de force. L'infirmière, Lily Fonder, elle, a les jambes qui enflent et la tension chute de jour en jour. D'autres membres de l'expédition se plaignent de maux de tête, de crampes à l'estomac et de vertiges. Après un échange avec le corps médical de Patoury, Claude Chapeau réunit les membres de l'expédition pour parler évacuation. Après 16 jours livrés eux-mêmes dans la savane, il convient en effet de mettre fin au supplice. Chapeau appelle Patoury pour faire rapatrier les membres de l'expédition. Quelques heures plus tard, les véhicules de l'administration coloniale viennent récupérer les 9 Français à leur campement. Pour tous, c'est un immense soulagement. On emmène ensuite toute l'équipe d'Air Détresse dans un dispensaire à l'écart de la ville. Ils vont y passer plusieurs jours au repos, en observation. Infatigables, malgré tout, René Joyon, Jean Petit et Yves Sautreau poursuivent leurs travaux et consignent leurs observations. L'ensemble de ces documents sera transmis à des spécialistes en métropole qui pourront tirer les conclusions scientifiques appropriées. Dans les semaines qui suivent, nos 9 naufragés rejoignent Paris par avion. Aucun d'entre eux n'oubliera jamais cette folle aventure qui les aura conduits au printemps de l'année 1957 à vivre comme des Robinson en plein cœur de l'Afrique. Un retour en France pourtant sans éclat ni triomphe, non, chacun retrouve sa famille, ses amis, reprend sa vie, ses journées et ses soirées. Normal, hein, tout de même, un bon canapé, pour une bonne soirée au chaud ou au frais. C'est bien plus ennuyeux que l'Afrique, mais c'est tellement plus confortable. Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, J'ai joué aux dames à Amsterdam. J'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo. J'ai des pompettes à Papette. J'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico. J'étais sur ta à Bogota. Et des calculs à Calcutta. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à Téhéran et au sauna à Sahana. J'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la tôle à l'eau. J'ai été lourde et à lourde. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin. J'ai été gentil à Port-Gentil. Et malpoli à Tripoli, j'ai fait la vie à Varsovie. Et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'opération Air Détresse avec nos deux invités. Oui, ils sont deux aujourd'hui. L'un des deux médecins de l'expédition dont nous avons parlé pendant le récit, et là en studio à côté de moi, le docteur Yves Sautreau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et par téléphone, le journaliste de la RTF, Philippe Réal, chef en second de cette même opération. Je crois que vous êtes dans le Var. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour à tous, et en particulier mon ami Sautreau. Ah bah oui, forcément. Vous vous êtes revus depuis, non, tous les deux? Oui, bien ouais. Sûr, bien sûr. Bon. Souvent. Bien, alors, vous avez participé à cette opération d'air détresse, voilà donc 62 ans, une expérience de survie hors du commun, on l'a raconté, j'imagine que cette expérience vous a marqué. Quel est votre souvenir, on va commencer avec vous, Yves Sautreau, souvenir le plus fort de cette expédition, le moment qui vous revient en tête quand vous y pensez, qu'il soit d'ailleurs un moment difficile ou un moment joyeux? Il y en a beaucoup, mais enfin... Peut-être celui dont j'ai souvent le souvenir, c'est le jour du départ. Ouais. Lorsque nous sommes partis à pied vers l'avion, il y a un jeune de mon âge, j'avais 26 ans à l'époque, qui m'a dit « Est-ce que tu peux me donner tes chaussures pour que j'aie l'air d'un homme ?» Tiens donc. Ça m'a bouleversé. Bien entendu, j'ai donné. Mes chaussures de ville m'attendaient dans mes bagages. Mais j'ai souvent pensé à cette réflexion pendant longtemps. Et un autre grand moment, c'est quand on est arrivé dans le village des Pygmées. Ils étaient tous, évidemment, à nu. Sauf un qui était habillé, peut-être le chef du village, je ne sais pas. Mais il avait un uniforme allemand. Car il ne faut pas oublier que le Cameroun était allemand avant que la France devienne une colonie française. Et vous, Philippe Réal, votre souvenir le plus fort, vos souvenirs les plus forts de ce moment-là? Oh, bah, comme dit Yves Sautreau, il y en a quand même plusieurs. Hein. Ouais, mais oui, je veux dire que nous sommes tombés sur des gens heureux. Heureux, ils n'avaient pas de véhicule, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de téléphone portable, mais ils étaient gentils. Ils nous ont très très bien accueillis, par curiosité évidemment, mais vraiment des gens heureux. Et ça faisait plaisir, ça réconfortait vraiment. Nous aussi on était heureux, on souffrait mais on était heureux. Alors il y a peut-être un souvenir d'histoire dans la case du chef qui nous recevait et qui voulait nous féliciter, nous réjouir et tout. Et il était effectivement effectivement, il avait un uniforme allemand, mais alors, il était sur un trône en bois, un gros truc, et à droite, il avait un téléphone, et à gauche, une télévision. Tout ça vieux, bien sûr, mais sans fil, c'était de l'image de la civilisation. Bon, dites-moi, qui veut me répondre, alors, Philippe, le choix de l'endroit pour réaliser l'expérience, qui l'a décidé? Est-ce que c'est Claude Chapeau, le chef, ou quelqu'un d'autre? Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est qui? Chapeau avait beaucoup d'autres gens, il connaissait beaucoup de monde, et notamment, je crois que c'était Albert Sarraut qui était président de l'Assemblée nationale, et j'étais très copain avec Pierre Messmer, qui à ce moment-là était gouverneur général du Cameroun. Alors il avait demandé à Pierre Messmer de trouver un endroit complètement isolé, mais avec de l'eau, donc près d'un fleuve ou quelque chose comme ça. Et Messmer avait demandé à son administration, et on avait trouvé donc de Knangsonwa au nord Cameroun, cet endroit pas idéal, mais enfin on pouvait survivre. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un part, ou même un reporter qu'il veut envoyer une donnée, une image, y compris une image animée, il prend son iPhone, il l'envoie et ça arrive directement. Bah vous, c'était pas ça du tout, évidemment, vous aviez un émetteur, vous pouvez me le décrire, je crois qu'il était beaucoup plus gros qu'un iPhone. Hein. Ah oui, oui, un peu plus gros. C'était un énorme conteneur. On l'a laissé dans les parois du conteneur. Et c'était vraiment un gros, une grosse machine. Seul tamagne de technicien radio de l'RTF pouvait le manipuler. Et il le faisait très bien. Il y avait un mât énorme qui faisait peut-être 100 mètres, quelque chose comme ça. C'est discret. Pour rejoindre Brazzaville qui faisait la liaison avec Paris. Mais l'émetteur, c'était vraiment un émetteur, c'était la première fois, parce qu'il avait servi, uniquement la deuxième fois, il avait servi à Georges de Caunes pour son expédition au pôle Nord. Donc la RTF avait accepté, pas de bon cœur, mais avait quand même accepté de nous prêter cet émetteur qui était une première, véritablement une première. Et je voudrais ajouter, si vous permettez, Fabrice, l'atterrissage du Nord 2005, c'était une première pour un Medler. Alors ça leur a servi un petit peu d'expérience, donc c'était à la fois une expérience survie pour nous, mais également une expérience pour la Medler, qui s'en est servi d'autant plus qu'il y avait une alouette, enfin il y avait un hélicoptère qui faisait l'aller-retour tous les jours pour transporter les films et les analyses médicales. Bien, on se retrouve dans 3 minutes pour continuer de parler avec vous de cette opération Air Détresse. Thank you. so le un neng el con le un lol ning con pineng el bai when u bichel le mentil na we le me so va we when mengues di un ye when ni an me melon ay we tam ni an me menguesa Affaires sensibles avec nos invités Philippe Réal et Yves Sautreau. Docteur Sautreau. Alors, racontez-moi, vous, comment vous avez vu évoluer la santé de vos camarades, et la vôtre aussi d'ailleurs. Hein, vous n'êtes pas aussi la santé de vos camarades, bien que médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, au début, j'ai trouvé que tout le monde allait bien. On maigrissait gentiment, mais régulièrement. Moi, j'avais perdu 7 kilos, je crois, en 15 jours, quoi. C'était vraiment très vite. Mais ce qui comptait surtout, c'est pas tellement la forme physique, c'était le moral. Parce que je pense que le moral est supérieur au physique. Mmh. Et les premiers jours, les tempêtes qu'il y a eu, qui étaient vraiment extraordinaires, enfin, qu'on connaissait pas, avaient agi sur le moral, parce que tout était mouillé, il fallait tout recommencer à reconstruire et tout ça. Mais je trouvais que on s'adaptait pas mal quand même, et c'est que petit à petit que le moral évidemment a fini par baisser. Et qu'est-ce qui, d'un point de vue de la santé, quel a été l'élément qui a fait que vous êtes dit bon maintenant, on s'est dit maintenant faut arrêter, faut pas aller trop loin quand même. Il y a un cap médical à pas dépasser, j'imagine. Alors nous étions sur les, enfin moi je faisais partie des gens qui étaient sur les rations qui étaient préparées à l'avance, alors que les autres ils arrivaient à pêcher des capitaines qui faisaient des poissons qui faisaient plus de 1 mètre de long, et eux, moi il me semble qu'ils mangeaient beaucoup mieux que nous. Donc peut-être que leur morale était meilleure que le nôtre. Et là, c'est ça qui, petit à petit, quoique les deux femmes qui étaient remarquables, qui étaient, à mon avis, plus sûres que nous, qui tenaient mieux le cap, et on a fini quand même par dire qu'il fallait arrêter parce que on n'en pouvait plus. Pourquoi ces femmes tenaient mieux le cap? Qu'est-ce qu'elles avaient que vous n'aviez pas comme qualité? Elles avaient la patience, elles savaient aussi bien ranger tout, remettre l'aplomb et tout ça, que nous, on était un peu excités, on était en colère quelquefois, pour ce temps, pour cette... Enfin, vraiment... Vous étiez dans l'envie de gagner, quoi. Un truc, c'est ça. Il y a un truc de mec, ça. Va gagner, gagner absolument. On était impatients. Bien. On va écouter une archive. On va écouter Jacques Vigneux. Franchement, il est important, oui, Jacques Vigneux, qui tire le bilan de cette expédition. L'opération a duré elle-même 18 jours, mais nous sommes restés 19 jours sur le terrain. Primo, je voudrais faire une petite rectification. On a parlé, évidemment, de survie, de détresse, et je crois que là, beaucoup de gens n'ont pas très bien saisi le but de l'opération. Le but de l'opération n'était pas de faire du repérage aérien, ça nous savons, et il y a des spécialistes pour le faire, mais c'était surtout de faire un bilan de ce que nous mangions et de ce que nous rejetions, n'est-ce pas, de manière à faire des analyses, et à voir même si, éventuellement, on ne pouvait pas en tirer un résultat qui pouvait même être utile aux indigènes. Yves Sautreau, vous étiez convaincu de l'utilité de cette ah oui, parce que expérience. Il y avait un cahier des charges à obtenir, à faire à tous les jours, et tout le monde, avec beaucoup de discipline, y participait. Il y avait d'abord le poids, ensuite le prélèvement de quelques humeurs, des prises de sang, un peu d'urine, enfin c'était vraiment... Tous les jours, tout le monde était d'accord pour venir se faire examiner. On prenait la tension, bien sûr. On prenait aussi la adiposité des gens. On voyait qu'ils maigrissaient régulièrement. Et ça, je pense que ça pouvait être intéressant pour les laboratoires qui ont reçu tous ces éléments et qui ont pu les analyser. Mais nous, on n'a jamais su ce que c'était devenu. Philippe Réal, vous, vous avez une mission, c'était de faire vivre aux auditeurs ce que vous viviez oui. vous-même avec vos camarades. Vous, vous êtes vraiment polarisé sur cet aspect-là. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez aussi dans, avec les autres, dans les mêmes préoccupations médicales ou nous, vous, c'était vraiment la transmission? Ah non, mais de toute façon, moi, j'étais dans les gens qui mangeaient un petit peu. Ah oui, il y a les rationnés, les pas rationnés, c'est vrai. Mmh. Ouais. Bon, donc. Alors, il y a quand même une histoire qui est restée inconnue. On n'a pas trouvé véritablement. Mais enfin, quand même, on a su comment nos résultats biologiques et médicaux et autres, et mes films que je prenais tous les jours, comment Paris pouvait les recevoir. Alors ça, c'était resté une grande inconnue. Et on a appris plus tard que dans les conventions qui avaient été signées entre Claude Chapeau et l'armée de l'air, c'était un hélicoptère qui venait soit de Brazzaville, soit de Douala, tous les jours, chercher nos paquets. Et il se posait dans un endroit évidemment éloigné d'une autre, on n'en savait rien. Et ça a marché, sauf peut-être 3 ou 4 jours de mauvais temps, mais ça a marché très bien. Alors, ils ont emmené le tout à Douala, et Douala, la compagnie UTA de la ligne normale, prenait nos résultats et les emmenait en France. Et c'est comme ça que tous les jours, au journal télévisé, des images passaient, et en radio, grâce à l'émetteur de René Tamagne, qui a été remarquable. Mmh. Et vous, dans quel état êtes-vous rentré? Oh, fatigué. Ouais. Bien sûr. Fatigué. Mais enfin, vous savez, l'homme se reconstitue très vite. Donc, disons, une dizaine de jours, on avait repris notre poids normal, tout était normal, il n'y avait pas de problème, hein. Pas de problème particulier, je veux dire. Pour vous non plus, Sotro? Pareil? Lorsque nous sommes revenus, moi j'ai repris mon travail d'interne à l'hôpital, et la première chose que le patron m'a dit, quand il m'a vu, il m'a dit « allez vous raser ». Ça faisait effectivement un mois qu'on ne s'était pas rasé, on ne se rendait pas compte. Aujourd'hui, tout le monde a la barbe et tout le monde est content, mais à ce moment-là, c'était vraiment mal vu. Bon, si, avec ça, hein, c'est que le reste allait bien. Philippe Réal, un dernier mot. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette expérience après, pendant votre vie? Vous y pensez souvent? Quelle place ça a tenu dans votre vie? Oh, écoutez, la place d'une aventure, comme d'autres reportages que j'ai pu faire, hein. Mais vraiment, ça m'a marqué parce que, au départ, j'y croyais pas du tout. J'étais pas le seul, du reste. Personne ne croyait vraiment à cette histoire menée par un Claude Chapeau qui était un peu hudu-verlu, un peu fou. Alors personne n'y croyait. Et quand on a déballé tout le matériel de l'avion, du Nord Atlas, on s'est dit, mince, alors, ce coup-là, on y est. Bon, ça, c'est de souvenir premier que je garde. Ça, ce sera le mot de la fin. Ça vous a fait plaisir, messieurs, de revivre ça par le son? Oui. Bon, ah oui, tout très à bien. Fait, bien sûr. Ben, nous bien aussi. Sûr. Merci, messieurs. Au revoir. Au revoir. Bien. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.